Tout d'abord, je vais moi aussi m'excuser de vous parler en français. Bon, je ne connais pas l'italien, donc bon. Merci beaucoup à Angela, merci beaucoup à Rocco pour cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici et de pouvoir échanger avec vous. Alors, dans le cours donné au Collège de France en 1904, intitulé « Histoire des théories de la mémoire », Bergson fait remarquer qu'il nous est difficile de comprendre la théorie de la mémoire et de la perception des anciens, et plus particulièrement de celle d'Aristote, en raison, je le cite, de nos idées modernes sur le corps et sur l'âme. Car nous opposons de manière radicale l'âme et le corps, le matériel et le spirituel, le psychologique et le physique. Or, selon Bergson, les anciens présentent une toute autre conception de la nature du corps et de l'âme. Leur opposition, selon lui, de nature est beaucoup moins tranchée, de sorte qu'il entre du psychologique dans le premier et du physique dans le second. Je vous ai indiqué dans l'exemplier, le handout, dans les deux premiers textes, les deux références à Bergson qui signalent cette analyse. Nel corso dato al Collège de France nel 1904, intitolato Storia delle teorie della memoria, Bergson fa notare che ci è difficile, capire la teoria della memoria e della percezione degli antichi, e in particolare di quella di Aristotele, a causa delle nostre idee moderne sul corpo e sull'anima, dato che noi moderni opponiamo in modo radicale l'anima al corpo, il materiale allo spirituale, lo psicologico al fisico. Ora gli antichi presentano una concezione molto diversa della natura del corpo e dell'anima, e la loro posizione di natura è molto meno radicale, di modo che c'è del psicologico nel corpo e del fisico nell'anima, e il riferimento al testo T1 nell'handout. Cette opposition moins forte entre la nature de l'âme et celle du corps permet donc, selon Bergson, entre les deux, une certaine continuité et la possibilité de comprendre comment elles peuvent entrer en rapport, alors que l'époque moderne, en radicalisant leurs différences, ne permet plus de les mettre en rapport et s'épuise, selon Bergson, à trouver des solutions métaphysiques complexes, comme en témoigne, selon lui, la théorie du parallélisme psychophysiologique que Bergson critique dans le même chapitre donc de l'évolution créatrice, c'est-à-dire le chapitre 4. Dans les deux textes que j'ai indiqués dans l'exemplier, Bergson ne fait référence qu'à la théorie d'Aristote, la théorie donc de la perception et de la connaissance. Et il semble considérer que cette théorie peut avoir valeur d'exemple pour les théories de tous les autres auteurs de l'Antiquité, puisque, vous l'avez remarqué, il applique son analyse à ceux qu'il appelle les anciens. Alors, il me paraît intéressant d'essayer de tester, en quelque sorte, la valeur de cette théorie de Bergson à propos des auteurs auxquels il n'est pas fait explicitement référence par Bergson. En particulier, je voudrais chercher si cette analyse peut s'appliquer au cas particulier de Plotin. Et pour cela, je voudrais, dans un premier temps, suivre l'analyse que présente Plotin de la notion de vivant dans l'un de ses derniers traités, le traité 53, et donc je voudrais chercher sous quelle forme et jusqu'à quel point l'opposition de l'âme et du corps se trouve dans ce texte conduite. Questa opposizione meno radicale tra la natura dell'anima e quella del corpo permette dunque tra i due, cioè anima e corpo, una certa continuità e la possibilità di capire come possano entrare in rapporto tra di loro. Al contrario, nell'epoca moderna c'è una radicalizzazione delle loro differenze che non permette più di mettere anima e corpo in rapporto e l'epoca moderna sepuise, cioè perde le sue energie a trovare delle soluzioni metafisiche complesse, come testimonia la teoria del parallelismo psicofisiologico che Bergson critica nello stesso capitolo dell'evoluzione creatrice. Ma nei due testi che abbiamo citato, che sono sull'Examen, Bergson non fa riferimento solo alla teoria aristotelica della percezione e della conoscenza, ma sembra considerare che tale teoria aristotelica possa avere valore esemplare per le teorie di tutti gli altri autori dell'antichità, dato che egli applica la sua analisi in generale a quelli che chiama antichi. Ora mi pare interessante di mettere alla prova in qualche modo il valore della teoria bergsoniana a proposito di quegli autori ai quali non è fatto esplicito riferimento da parte di Bergson. In particolare vorrei vedere se tale teoria può, cioè tale analisi bergsoniana può applicarsi al caso particolare di Plotino. A tal fine è possibile seguire l'analisi che produce Plotino della nozione di vivente, zoon, in uno dei suoi ultimi trattati, trattato 53, Ennea de prima 1, e cercare sotto quale forma e fino a che punto vi si trova l'opposizione di anima e di corpo. Selon moi, l'analyse de Bergson pose aussi un autre problème. Si l'opposition entre l'âme et le corps dans l'Antiquité paraît moins tranchée qu'à l'époque moderne, c'est qu'elle repose en fait sur une distinction entre différentes formes de vie et même, pourrait-on dire, entre différents niveaux de vie qui sont hiérarchisés entre eux. De la sorte, l'étude du rapport entre l'âme et le corps pose finalement le problème de la relation du vivant qu'est l'homme, particulièrement, à la vie elle-même qui est le principe de toute vie. Or, cette relation est aussi posée par Bergson dans sa propre réflexion philosophique, en des termes qui s'en rapprochent autant qu'ils s'en éloignent. Autrement dit, j'aimerais poser deux questions et traiter deux questions. Premièrement, en quoi la définition du vivant par Plotin peut-elle se comprendre à la lumière de l'idée bergsonienne d'une opposition atténuée entre l'âme et le corps ? Second point, est-ce que le rapport du vivant à la vie elle-même peut se comprendre chez Bergson sous une forme comparable à celle qu'il prend chez Plotin, ou est-ce qu'il s'en distingue radicalement ? Et c'est pour ça donc que j'ai appelé mon titre « Rapprochement et différence ». Ma l'analisi di Bergson pone un problema di altra natura. Se l'opposizione tra l'anima e il corpo nell'antichità pare meno radicale che in epoca moderna, è perché tale distinzione si fonda su delle differenti forme di vita e anche, si dovrebbe dire, tra diversi livelli di vita che sono posti in relazione gerarchica tra loro, in modo che lo studio del rapporto tra l'anima e il corpo pone infine il problema della relazione del vivente che è l'uomo alla vita, con la lettera maiuscola, alla vita stessa, che è il principio di ogni vita. Ora, questa relazione è anche posta da Bergson nella sua riflessione filosofica in termini che da un lato si avvicinano a Plotino, dall'altro se ne allontanano. Mi piacerebbe porre qui e studiare due problemi. In che cosa la definizione del vivente data da Plotino può comprendersi alla luce dell'idea di Bergson di una opposizione attenuata tra l'anima e il corpo? Secondo punto, il rapporto del vivente alla vita stessa può comprendersi in Bergson in una forma comparabile a quella che prende in Plotino o se ne distingue radicalmente? Alors, première question, premier point. Le traité 53 aborde un problème particulier qui n'est pas d'abord exactement celui de la définition du vivant. Il s'agit plutôt de chercher à identifier ce qui, dans l'homme, est le sujet des affections. Plaisir, douleur, peur, désir. Angela en a parlé hier. Plotin envisage plusieurs hypothèses pour répondre à cette question. Celles-ci sont au nombre de trois. On peut, dit-il, je le cite là, rapporter les affections à l'âme en tant qu'elle se sert du corps, c'est la position instrumentaliste dont tu as parlé hier, ou bien, dit-il, à une troisième chose composée des deux. Fin de citation. C'est cette dernière solution qui va être adoptée par Plotin, puisque, vous le savez, l'âme seule est impassible. Mais si seul le composé peut donc être le sujet des affections, il convient alors de saisir de quelle manière il peut l'être, c'est-à-dire de saisir le statut particulier de ce composé. Et c'est ce que Plotin va faire dans un texte du chapitre 7 que je vous ai indiqué dans l'exemplier, qui est le texte numéro 3, qui à mon avis est le passage essentiel pour comprendre cette définition du vivant. Il Trattato 53 affronta un problema particolare che non è quello della definizione del vivente. Si tratta piuttosto di capire cosa nell'essere umano è il soggetto delle affezioni, ovvero sia piaceri, dolori, paure, desideri, eccetera. Plotino prospetta tre ipotesi per rispondere a tale domanda. Le affezioni si possono ricondurre, uno, all'anima, due, all'anima in quanto si serve del corpo, tre, a una terza cosa composta di anima e corpo. È quest'ultima terza soluzione che sarà quella adottata da Plotino, dato che l'anima da sola è impassibile, ma se solo il composto può essere il soggetto delle affezioni, bisogna allora capire in che modo esso può esserlo, cioè capire lo statuto particolare di tale composto. Ed è ciò che Plotino tratta dall'inizio del capitolo 7 del trattato, ciò che corrisponde sull'handout al testo numero 3. Le composé, donc, est le vivant, ne peut se constituer que par la présence de l'âme, mais il convient de relever que cette présence ne signifie pas qu'il existerait un mélange ou une union réelle de l'âme et du corps. En réalité, l'âme reste séparée, mais elle produit le vivant sans s'y mélanger. Ce qui vient constituer le composé n'est donc qu'une réalité qui émane de l'âme et que le texte présente de manière métaphorique par la référence à la lumière. Quelle est cette réalité qui va venir constituer le composé ? Son statut peut s'éclairer par la référence à une théorie célèbre qui s'appelle la théorie qu'on appelle la théorie des deux actes, que Plotin présente dès ses premiers traités, notamment les traités 7, voyez chapitre 2 et 10, chapitre 6. Cette théorie distingue un acte essentiel, energeia tes usias, constitutif de l'être qui produit, et un acte second ou dérivé, ek tes usias, qui émane du premier, dès lors que ce premier terme, le producteur, est arrivé à son achèvement ou à sa perfection. Dans le contexte du traité 53, ce qui est comme la lumière émanée de l'âme apparaît donc comme un acte dérivé qui procède d'elle tout en restant rattaché à elle. Cette lumière ou reflet de l'âme que celle-ci donne au corps n'est autre que sa puissance, comme l'indique un autre texte qui est en fait antérieur dans le traité, qui se trouve dans le chapitre 6, que je vous ai indiqué dans l'exemplier, c'est le texte numéro 4. Allora, il composto, che è vivente, non può costituirsi che per la presenza dell'anima. Ma è opportuno osservare che questa presenza dell'anima non significa significa che esista una mescolanza o un'unione dell'anima e del corpo. In realtà l'anima resta separata, ma essa produce il vivente senza mescolarvisi. Ciò che viene a costituire il composto non è altro che una realtà che emana dall'anima e che il testo plotiniano presenta in modo metaforico come una luce. Ma in che consiste questa realtà? Il suo statuto può essere chiarito alla luce della teoria dei due atti che Plotino presenta a partire dai suoi primi trattati, per esempio nei trattati 7, capitolo 2 e 10, capitolo 6, e questa teoria distingue un atto essenziale, energeia tessusias, costitutivo dell'essere che lo produce, e un atto secondo o derivato, ec tessusias, che emana dal primo, dato che il produttore di questo secondo atto è pervenuto al suo compimento o perfezione. Nel contesto del trattato 53, ciò che è come la luce emanata dall'anima appare quindi come un atto derivato, l'atto secondo, che procede da essa anima e ne resta in qualche modo rattaché, cioè rimane attaccato a quest'anima da cui emana. Questa luce o riflesso dell'anima, che l'anima dona al corpo, non è altro che la sua capacità come è indicato dal passo del capitolo 6, che è il testo 24 sull'Andao. Le composé est donc constitué d'une image de l'âme qui correspond aux puissances par lesquelles elle peut lui donner vie et lui permettre d'assurer ses fonctions essentielles. Maintenant, quel est le terme auquel cette image vient s'unir? Il ne s'agit pas simplement du corps, mais de ce que Plotin désigne dans le chapitre 7 par une expression qui est l'expression somatoyuto et qui constitue le corps en tant qu'il possède déjà certaines fonctions. J'ai rendu l'expression dans le texte par traduction en français de corps qualifié. J'ai repris ici une traduction qui était déjà attestée chez Armstrong. Alors, cette expression, corps qualifié, est expliquée par Plotin dans le chapitre 4 du traité à partir d'une référence à la définition aristotélicienne de l'âme que vous trouvez dans le De Anima, livre 2, chapitre 1. Aristote présente l'âme, c'est bien connu, comme l'entéléchie première d'un corps naturel qui possède la vie en puissance. Et c'est ce corps naturel, capable de certaines fonctions, par la présence de l'âme, que Plotin comprend comme corps qualifié. Cependant, à la différence d'Aristote, Plotin ne peut admettre que l'âme soit la forme d'un corps, au sens où elle se mélangerait à lui. Comme nous l'avons vu, ce qui rend le corps capable de certaines fonctions n'est pas, pour Plotin, la présence de l'âme elle-même, mais seulement de ses puissances qui sont comme son acte second. Pourtant, ces puissances viennent animer un corps déjà qualifié, lequel est donc naturel et organisé avant même cette présence des puissances émanées de l'âme. Alors, il faut essayer de comprendre ce point qui est très complexe. Le traité 28, Énéade 4.4, chapitre 18, nous renseigne sur ce point. Ce qui vient produire un corps organisé est ce que Plotin nomme nature, la nature. Dans le chapitre 32 de ce même traité, Plotin précise par ailleurs, je le cite, que ce monde sensible est un vivant unique qui enveloppe tous les vivants qui se trouvent à l'intérieur de lui, qu'il a une âme unique qui se trouve dans toutes ses parties, dans la mesure où chaque chose est une partie de lui. Fin de citation. C'est donc par la partie de l'âme du monde, qu'est la nature, que chaque partie de ce monde se trouve posséder une nature, une âme végétative. Chacune des parties vivantes du monde sensible participe de cette âme et tient d'elle ses fonctions végétatives. En résumé, le corps qualifié désigne le corps en tant qu'il possède une nature, c'est-à-dire participe déjà de la partie végétative de l'âme du monde. Il composto è quindi costituito da un'immagine dell'anima che corrisponde alle potenze o capacità per mezzo delle quali essa anima può dare vita al composto e permettergli di assicurare di svolgere le sue funzioni essenziali. Ma qual è il termine al quale questa immagine dell'anima va ad unirsi? Non si tratta semplicemente del corpo, ma di ciò che Plotino designa nel capitolo settimo con l'espressione somatoiuto, un tal corpo, e che costituisce il corpo in quanto possiede già certe funzioni, espressione somatoiuto che noi abbiamo tradotto con quella cor qualifie, corpo qualificato, riprendendo la traduzione di Armstrong. Questa espressione è spiegata da Plotino nel capitolo 4 del trattato 53 a partire da un riferimento alla definizione aristotelica dell'anima che si trova nel trattato De Anima, libro 2, capitolo 1. In effetti Aristotele presenta l'anima come, cito, entelechia, prima entelechia di un corpo naturale che possiede la vita in potenza, entelechia realizzazione. E è questo corpo naturale, capace di certe funzioni per la presenza dell'anima, che Plotino intende quando parla appunto di cor qualifieo, cioè quando noi parliamo di cor qualifieo, corpo già determinato. Non di meno, a differenza di Aristotele, Plotino non può ammettere che l'anima sia la forma di un corpo, nel senso cioè che l'anima si mescolerebbe ad esso. Come abbiamo visto, ciò che rende il corpo capace di certe funzioni non è per Plotino la presenza dell'anima stessa, ma solo delle sue potenze, che sono come l'atto secondo dell'anima. Nonostante ciò, queste potenze vengono ad animare un corpo già qualificato, il quale è dunque naturale e organizzato prima che questa presenza delle potenze emanate dall'anima lo raggiungano. Il trattato 28 al capitolo 18 ci informa su questo tema. Ciò che viene a produrre un corpo organizzato è ciò che Plotino chiama natura. Nel capitolo 32 del trattato 28 Plotino precisa del resto, cito, che questo mondo sensibile è un vivente unico che avvolge tutti i viventi che si trovano in esso. E esso, vivente unico, ha un'anima unica che si trova in tutte le sue parti, nella misura in cui ogni cosa è una parte di tale vivente unico. Fine di citazione. E dunque, per mezzo dell'anima del mondo che la natura per la parte dell'anima del mondo che la natura è dunque attraverso la parte dell'anima del mondo che è la natura che ogni parte di questo mondo possiede una natura, un'anima vegetativa. Ciascuna delle parti viventi del mondo sensibile partecipa di quest'anima e ottiene da essa le proprie funzioni vegetative. Per riassumere, il corpo qualificato designa il corpo in quanto possiede una natura, cioè partecipa della parte vegetativa dell'anima del mondo. Plotin propose donc une analyse particulièrement originale du vivant. Celui-ci est le composé de l'âme, des puissances de l'âme, pardon, et d'un corps déjà déterminé par d'autres puissances d'une âme, celle d'une âme qui est la nature. C'est ce qu'on... Bon, donc c'est ce composé qui est seul le sujet des affections. Alors c'est cette analyse qui, à mon avis, peut être mise en relation avec la thèse bergsonienne que j'ai rappelée pour commencer. Il apparaît ici que Plotin ne pense pas le vivant comme l'union de deux réalités absolument hétérogènes. Le corps, notamment, parce qu'il est considéré comme déterminé et qualifié, se présente déjà animé par des puissances psychiques. Il n'existe donc pas de rupture radicale entre les deux termes mis en rapport, puisque le corps est rendu en partie homogène à l'autre terme, le reflet de l'âme que sont ses puissances, par la partie végétative de l'âme du monde. Alors vous voyez que ça pourrait donner raison à Bergson de ce point de vue-là. Effectivement, il y a bien une espèce d'opposition atténuée entre les deux. Alors, la relation inverse est-elle vraie, hein? C'est-à-dire que le corps est rendu homogène à l'âme. Est-ce que la relation inverse serait vraie? C'est-à-dire que l'âme pourrait être rendue en partie homogène au corps. À mon avis, on va voir pourquoi, ce n'est pas le cas. Allora, Plotino propone un'analisi del vivente particolarmente originale. Il vivente è composto delle potenze dell'anima e di un corpo già determinato da altre potenze, quelle di un'anima che è la natura. È questo composto che, solo esso, è il soggetto delle affezioni. Ora una tale analisi può essere messa a confronto con la tesi bergsoniana che abbiamo ricordato all'inizio. In effetti sembra che qui Plotino non concepisca il vivente come l'unione di due realtà assolutamente eterogenee. Il corpo, perché esso è considerato come determinato e qualificato, si presenta già animato dalle potenze psichiche dell'anima del mondo. E non esiste dunque una rottura radicale tra i due termini messi in rapporto, dato che il corpo è reso parzialmente omogeneo all'altro termine, cioè il riflesso dell'anima che sono le sue potenze, dalla parte vegetativa dell'anima del mondo. Quindi, dice il professor Roux, fin qui sembra che Bergson abbia ragione nel parlare negli antichi di una relazione, una differenziazione attenuata tra anima e corpo, ma a questo punto ci si chiede: anche la relazione inversa è vera in Plotino, cioè l'anima sarebbe in parte omogenea al corpo, e questo sembra non essere il caso. En réalité, la relation donc entre les deux termes du composé me paraît plutôt asymétrique. Si le corps qualifié possède une nature que l'on pourrait dire psychique, il est impossible de dire, à mon avis, que l'âme possède une nature qui s'apparenterait par certains de ses aspects à celle du corps. Le texte du chapitre 6 que j'ai déjà cité précédemment, c'était le texte 4, indique deux caractéristiques qui sur ce point sont particulièrement importantes. D'une part, ce qui est présenté dans ce texte comme la cause de la vie, dans le composé, et qui semble bien désigner l'âme elle-même dont émanent les puissances, reste impassible et immobile. D'autre part, ces puissances elles-mêmes restent tout autant impassibles que l'âme dont elles émanent, alors même qu'elles composent avec le corps un composé susceptible d'être affecté. Pour Plotin, l'impassibilité de l'âme est donc totale, quel que soit le niveau auquel l'âme est considérée. Ce point, à mon avis, est essentiel, parce qu'il permet de montrer que la thèse de Bergson, dans le cas de Plotin, ne s'applique que partiellement. Si le corps peut bien en effet être considéré comme une entité qui n'est pas seulement matérielle, parce qu'elle est déjà formée et déjà mue par des puissances psychiques, il n'est pas possible de considérer que l'âme soit aussi traversée par des éléments de nature corporelle, puisque Plotin maintient sa stricte séparation. La thèse de Bergson pourrait, à mon avis, plus sûrement trouver dans des philosophies hellénistiques épicurisme et stoïcisme, une confirmation, puisque celles-ci font de l'âme une entité corporelle. Dans ce cadre, l'union de l'âme et du corps consiste en fait en l'union de deux types de corps, et il existe alors une homogénéité entre les termes mis en relation. Mais dans le cas de Plotin, la relation de l'âme et du corps prend une autre forme, car il s'agit pour lui de maintenir la transcendance, et donc la distinction radicale de nature, de l'un des termes par rapport à l'autre. Et c'est pourquoi seul le corps peut posséder en partie des caractéristiques issues de l'autre terme de la relation, alors que l'âme reste absolument séparée de lui. L'âme est donc le terme supérieur, cher Minjusta, qui enveloppe les termes inférieurs et leur donne certaines de ses caractéristiques, son reflet sous la forme de ses puissances, sans que les termes inférieurs puissent de même pénétrer les termes supérieurs. Disons donc pour résumer que le corps peut être spiritualisé tandis que l'âme ne saurait jamais être corporisée. C'est un néologisme? Oui, c'est un néologisme. D'accord. Allora, bon courage. In realtà la relazione tra i due termini del composto mi sembra piuttosto asimmetrica. Se il corpo qualificato possiede una natura che si potrebbe dire psichica, è impossibile dire che l'anima possegga una natura che sarebbe simile per certi aspetti a quella del corpo. In effetti il testo del capitolo 6 del trattato 53 che abbiamo citato precedentemente indica due caratteristiche particolarmente importanti. Da una parte, ciò che è presente come causa della vita nel composto e che sembra designare l'anima essa stessa da cui emanano le potenze, resta impassibile e immobile. D'altra parte, queste potenze stesse restano altrettanto impassibili che l'anima da cui emanano, mentre esse costituiscono col corpo un composto suscettibile di essere affette, cioè di ricevere affezioni. Per Plotino l'impassibilità dell'anima è quindi totale, a qualunque livello di anima ci si ponga. Questo punto è essenziale, perché esso permette di mostrare che la tesi di Bergson di una differenza attenuata tra anima e corpo, nel caso di Plotino, non si applica che parzialmente. Se il corpo in effetti può essere considerato come un'entità che non è soltanto materiale, dato che è formata e già messa in movimento da potenze psichiche, non è possibile considerare l'anima come attraversata da elementi di natura corporea, dato che Plotino conserva una stretta separazione tra anima e corpo. La tesi di Bergson potrebbe trovare un'applicazione piuttosto nelle filosofie ellenistiche quali l'epicureismo e lo stoicismo, una conferma che si fonda sul fatto che tali filosofie pongono l'anima come un'entità corporea. In questa situazione delle filosofie ellenistiche, l'unione dell'anima e del corpo consiste nell'unione di due tipi di corpo e esiste allora un'omogeneità tra i termini messi in relazione. Invece, nel caso di Plotino, la relazione dell'anima e del corpo assume un'altra forma, poiché si tratta per Plotino di conservare la trascendenza, ovvero una distinzione radicale di natura, di uno dei termini rispetto all'altro. Per questo solo il corpo può possedere parte delle caratteristiche derivanti dall'altro termine della relazione, mentre l'anima resta assolutamente separata da esso. L'anima è il termine superiore che avvolge i termini inferiori e dà loro alcune delle sue caratteristiche, ovvero il riflesso sotto forma delle sue potenze, senza però che i termini inferiori possano allo stesso modo penetrare in quelli superiori. E questo è il motivo per cui il corpo può essere spiritualizzato, mentre l'anima non può essere reificata, corporizzata. Facciamo un neologismo anche noi. J'en viens donc à la deuxième question que j'avais posée dans l'introduction. Donc je coupe en partie mon texte, donc je laisse de côté les textes 5 et 6 que vous aviez dans l'exemplier. Donc dans la pensée de Plotin, on le voit, la vie du vivant s'explique donc par une hiérarchie entre différents types de vie, et donc par des formes plus élevées de vie dont elle provient et dont elle dépend. La vie du vivant est tournée vers des vies plus élevées, hein, l'âme qui produit des puissances, vers lesquelles elle tend et à laquelle, donc, vers ces formes de vie auxquelles elle est finalement rattachée. Alors, je voudrais me demander donc désormais ce qu'il en est chez Bergson de ce rapport de la vie individuelle, la vie du vivant, à la vie posée comme principe de cette vie. Ce problème est explicitement abordé dans un article qui s'appelle « Introduction à la métaphysique » que vous retrouvez dans « La pensée et le mouvant ». C'est le long texte numéro 7 que vous avez dans l'exemplier. Pour situer le texte, il faut savoir donc que Bergson veut répondre à une objection qu'il se fait lui-même, qui est la suivante. Je le cite. « Mais si la métaphysique doit procéder par intuition ?» Si l'intuition a pour objet la mobilité de la durée, et si la durée est d'essence psychologique, n'allons-nous pas enfermer le philosophe dans la contemplation exclusive de lui-même ? Fin de citation. Autrement dit, si la durée se révèle essentiellement au-dedans de soi, dans l'intériorité à laquelle chacun peut accéder par une expérience qui lui est propre, comment le philosophe pourra-t-il alors saisir non seulement d'autres durées, mais finalement la durée elle-même qui caractérise la vie et dont dérivent toutes les autres. Allora, nel pensiero di Plotino, la vita del vivente non si spiega che attraverso delle forme di vita più elevate, da cui essa, cioè la vita del vivente individuale, proviene e da cui dipende. Ma tale vita del vivente individuale si trova legata alle vite superiori per mezzo della contemplazione e dell'intellezione. La vita del vivente è dunque rivolta verso delle vite più alte ed è attaccata ad esse, le quali sono superiori e alle quali tende. Cioè, la vita del vivente si rapporta alla vita con la maiuscola stessa. Io vorrei, dice il professor Sylvain Roux, domandarmi a questo punto che cosa avviene in Bergson di questo rapporto della vita individuale, la vita del vivente, rispetto alla vita con la maiuscola posta come principio, come cioè principio di questa vita del vivente. Del resto, questo problema è esplicitamente posto nell'articolo che si intitola Introduzione alla metafisica, articolo che Bergson poi ha ripreso nella raccolta intitolata Il pensiero e il movimento. O il movente, come lo traduci? La pensée des mouvements. Les mouvements in italiano non esiste. Il mouvement sarebbe l'atto del muovere. Va bene. Che è il testo 7 sul vostro handout. Bergson vuole rispondere alla obiezione seguente che egli stesso solleva. Cito: ma se la metafisica deve procedere per intuizione, se l'intuizione ha per oggetto la mobilità della durata, e se la durata è di natura psicologica, non rischiamo di rinchiudere il filosofo nella contemplazione esclusiva di se stesso? Fine della citazione. Se la durata si rivela essenzialmente all'interno di sé, nell'interiorità alla quale ciascuno può accedere tramite un'esperienza che gli è propria, Come potrà il filosofo allora cogliere non solo altre durate, ma la durata che caratterizza la vita stessa e da cui derivano tutte le altre? Dans ce texte, Bergson évoque la capacité du moi à se dilater et à se transcender, sur ces termes, pour ressaisir les autres durées et la vie elle-même. Cette capacité ne signifie pas que le moi ferait un effort d'imagination pour se représenter, par projection intellectuelle en quelque sorte, la nature de ces autres durées. Il s'agit bien d'une expérience réelle par laquelle il nous est possible de ressentir réellement en nous-mêmes ces autres durées. La thèse de Bergson est que ces durées existent aussi en nous, sous des formes virtuelles avec lesquelles nous pouvons coïncider selon les cas ou les moments. Il existe deux directions possibles qui permettent de saisir ou d'éprouver ces durées, soit vers le bas, soit vers le haut. Si en effet, premier cas, nous nous laissons aller, si nous nous relâchons, nous éprouvons alors une première forme de durée, qui n'est pas celle qui caractérise la totalité de notre vie, mais qui caractérise celle des formes de vie et de durée les plus rudimentaires et les plus simples, au terme du processus. Nous laissons alors les mécanismes monter en nous sous forme d'habitude, prendre le dessus. Notre vie se fait plus inconsciente, car elle laisse notre corps jouer ses comportements de manière répétitive. C'est alors la vie des organismes les plus simples que nous retrouvons en partie, qui consiste en palpitations répétitives. Au terme de cette plongée, c'est la matière elle-même, comme pur ensemble de mouvements répétitifs, comme relation toujours identique entre des termes parce que régie par des lois, qui nous serait finalement donnée. Mais la dilatation peut avoir lieu en un sens contraire. C'est alors vers le haut qu'elle s'exerce. Bergson parle dans ce cas d'une intensification et d'une tension par opposition au relâchement précédent, jusqu'à un sommet qui serait constitué ici par l'éternité. Dans ce cas, le moi peut en effet éprouver une autre forme de durée qui ne consiste plus en une pure répétition mécanique, mais en une création et en une liberté de plus en plus importante. Nel suo testo, pagina 7, Bergson evoca la capacità di un moi, cioè del soggetto, a dilatarsi e a trascendersi, termini usati da Bergson, per cogliere le altre durate e la vita stessa. Questa capacità non significa che le moi, il me stesso, farebbe uno sforzo di immaginazione per rappresentarsi tramite una proiezione intellettuale la natura di queste altre durate. Infatti si tratta al contrario di un'esperienza reale, concreta, per mezzo della quale il noi, ci è possibile di sperimentare realmente in noi stessi queste altre durate. La tesi di Bergson è che queste durate esistano anche in noi, sotto delle forme virtuali con le quali noi possiamo coincidere secondo i casi, cioè le circostanze e i momenti. Esistono due direzioni possibili che permettono di cogliere o di sperimentare queste durate, o verso il basso o verso l'alto. Primo caso, verso il basso. Se in effetti noi ci lasciamo andare, allentiamo la nostra tensione, noi proviamo allora una prima forma di durata che non è quella che caratterizza la totalità della nostra vita, ma che caratterizza le forme di vita e di durata più rudimentali e più basiche, più semplici. Noi allora permettiamo che i meccanismi che in noi prendono forma di abitudini, noi permettiamo che tali meccanismi prevalgano, che la nostra vita diventi più incosciente, poiché essa lascia al corpo la possibilità di realizzarsi tramite comportamenti ripetitivi. È allora la vita degli organismi più semplici che noi ritroviamo in parte, ed è una vita che consiste in palpiti ripetitivi. Al termine di questa immersione verso il basso, è la materia stessa, come mero insieme di movimenti ripetitivi, ovvero relazioni sempre identiche tra i termini, dato che sono relazioni rette da leggi, quindi alla fine è questo tipo la materia stessa che ci sarebbe data. Ma la dilatazione può avere luogo anche in senso contrario, cioè verso l'alto. Bergson parla in questo caso di una intensificazione e di una tensione in rapporto, cioè in contrasto all'allentamento di cui si è detto prima, una tensione fino al vertice costituito dall'eternità. In questo caso il me stesso può in effetti sperimentare un'altra forma di durata che non consiste più in una mera ripetizione meccanica, ma in una creazione e in una libertà sempre più significativa. Dans un autre texte, l'évolution créatrice, Bergson se fera beaucoup plus précis pour évoquer ce point. Il parlera, je le cite, d'une contraction violente de notre personnalité sur elle-même. Fin de citation, grâce à laquelle le passé se trouve rassemblé et mis au service de la création d'un présent libre. C'est donc un double mouvement que décrit Bergson, qu'il nomme dans ce second texte, hein, l'évolution créatrice, effort, lorsqu'il est dirigé vers le haut, et détente, lorsqu'il est dirigé vers le bas. Le premier mouvement, lorsqu'il parvient à son degré le plus élevé, est activité absolue. Le second, s'il parvient à son terme, est passivité absolue. Et cette passivité en laquelle il n'y aurait plus de création, mais un présent toujours recommencé, serait très proche, dit Bergson dans ce second texte, de ce qu'est la matière. Ce passage de l'évolution créatrice donne donc de précieuses indications pour comprendre le texte que je vous ai indiqué. Notamment, il éclaire le sens du mouvement décrit comme « ascendant ». Il le décrit comme une manière de se ressentir de plus en plus comme agent libre et créateur de ses actes. Le problème, c'est que l'éternité auquel il tend ainsi pourrait contredire cette présentation, puisque l'éternité figure traditionnellement ce qui ne s'étend plus, mais se contracte en un pur présent qui ne dure pas, et en lequel l'action ne peut donc trouver place. Mais Bergson prend bien soin de préciser dans le texte numéro 7 que l'éternité dont il parle est, je cite, une éternité vivante et mouvante. Elle représente donc l'état dans lequel la création et la liberté seraient absolues, sans être menacées d'aucune répétition et d'aucune passivité. L'évolution créatrice nommera spiritualité cet état, par opposition à la matérialité qui désigne le terme extrême de l'autre mouvement. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est me demander si la relation que Plotin présente entre la vie du vivant et la vie elle-même comme principe prend une forme comparable à celle que l'on trouve dans ce texte. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il existe à mon avis deux points de ressemblance particulièrement frappants, mais aussi deux différences particulièrement notables. Nell'evoluzione creatrice, in un altro testo, Bergson si esprimerà in modo molto più preciso nell'evocare questo punto. Parlerà, cito, di una contrazione violenta della nostra personalità su essa stessa. Fine di citazione. Contrazione grazie alla quale il passato si trova riassunto, raccolto e messo al servizio della creazione di un presente libero. E dunque si tratta di un doppio movimento descritto da Bergson, il quale chiama, cito, sforzo questo movimento quando si dirige verso l'alto e détente, allentamento, quando si dirige verso il basso. Il primo, quando perviene al suo grado più alto, è attività assoluta, Il secondo, se perviene al suo termine, è passività assoluta. E questa passività, nella quale non ci sarebbe più creazione, ma un presente che sempre ricomincia, sarebbe molto prossima a ciò che è la materia. Questo passo, questo brano dell'Evolution Creatrice, dà quindi delle indicazioni preziose per comprendere il passo, il testo T7, dell'introduzione alla metafisica. In particolare, tale passo evoca il senso del movimento descritto come ascendente. Esso lo descrive come una maniera di provare sempre più una maniera di percepirsi sempre più come agente libero e creatore dei propri atti. Però l'eternità alla quale tende potrebbe contraddire questa preparazione, questa presentazione, perché l'eternità esprime tradizionalmente ciò che non ha più di dilatazione, ma ha una contrazione in un puro presente che non ha durata e nel quale l'azione dunque non può trovare spazio. Ma Bergson ha cura di precisare che l'eternità di cui parla è un'eternità, cito, vivente e in movimento. Essa rappresenta dunque lo stato nel quale la creazione e la libertà sarebbero assolute senza essere minacciate da alcuna ripetizione, da alcuna passività. L'evoluzione creatrice chiamerebbe ciò spiritualità in opposizione alla materialità, che designa il termine estremo dell'altro movimento. È opportuno allora domandarsi se la relazione che Plotino presenta tra le vite dei singoli viventi e la vita, quale loro principio, assuma la stessa forma. E secondo il professor Roux ci sono due punti importanti di convergenza, ma anche due differenze notevoli. Première ressemblance. Comme on vient de le constater, Bergson montre que des durées différentes de celles que le moi éprouve peuvent être saisies par ce moi lui-même dès lors qu'il se plonge en lui-même selon un mouvement de concentration et de relâchement. L'accès au tout, pourrait-on dire, le tout de l'être, suppose donc non pas un point de vue extérieur de la part du moi, ce qui relèverait d'ailleurs de ce que Bergson, au début de l'introduction à la métaphysique, nomme analyse, mais un accès à l'intériorité. Cette position paradoxale se retrouve dans les analyses de Plotin à propos de la saisie par l'âme des réalités supérieures. Celui-ci montre que ces réalités, l'un, l'intellect et l'âme, les trois niveaux supérieurs de la structure hiérarchique de Plotin, ne nous sont pas extérieures, mais qu'elles se trouvent en nous, comme l'indique un texte très important que je vous ai reproduit dans l'exemplier, c'est le texte numéro 8, c'est un texte du traité 10. Dans ce passage, Plotin présente un strict parallélisme entre la structure du réel composée donc des trois principes supérieurs et sa présence à l'intérieur de chacun de nous. Cela signifie que si les trois réalités peuvent se retrouver en chaque âme, et donc à l'intérieur de chacun, c'est parce qu'il existe une communauté de nature entre ces réalités et l'âme. Ces réalités sont présentes en nous en tant que nous sommes aussi des êtres de nature intelligible. Et donc cette communauté rend aussi possible la remontée de l'âme vers les principes supérieurs auxquels elle participe par nature, puisqu'elle n'en est jamais séparée. Allora, due punti di somiglianza appaiono in primo piano. Come abbiamo appena constatato, Bergson mostra che delle durate diverse da quella del soggetto, dell'io, che l'io prova, possono essere colte da questo io stesso dal momento in cui si immerge in se stesso secondo un movimento di concentrazione o di rilassamento, d'allentamento. L'accesso al tutto, con la T maiuscola, al tutto dell'essere, presuppone dunque non un punto di vista esterno dalla parte dell'io, ciò che rivelerebbe per Bergson all'inizio dell'introduzione alla metafisica si chiamerebbe piuttosto analisi, ma un accesso all'interiorità. Questa posizione paradossale si ritrova nelle analisi di Plotino a proposito del fatto che l'anima colga le realtà superiori. In effetti Plotino mostra che tali realtà, che sono l'uno, l'intelletto e l'anima con la maiuscola, non sono esteriori a noi, ma si trovano in noi, come indicato dal trattato plotiniano numero 10, da cui è estratto il brano che costituisce il testo numero 8 sull'Antaut. Plotino presenta qui uno stretto parallelismo tra la struttura del reale composta da tre principi superiori, ricordiamolo, l'uno, l'intelletto e l'anima, e la presenza di tali realtà all'interno di ciascuno di noi. Questo significa che se le tre realtà possono trovarsi in ogni anima e dunque all'interno di ciascuno di noi, è perché c'è una comunanza di natura tra tali realtà e l'anima umana. Esse sono presenti in noi in quanto anche noi siamo degli esseri di natura intelligibile, e questa comunanza rende così possibile la risalita dell'anima verso tali principi superiori, dei quali le anime partecipano per natura, dato che non se ne sono mai separate. Seconde ressemblance, le détour par l'intériorité s'accompagne chez Bergson d'une dilatation du moi, comme on vient de le voir, qui lui permet de retrouver des durées, des modalités de la vie autres que la sienne. Chez Plotin, l'âme est aussi capable de retrouver ses autres niveaux psychiques que le sien par un effort particulier de concentration et d'unification intérieure. Ainsi, Plotin distingue, par exemple, ce que l'âme peut être, ce que nous sommes, de ce qu'elle peut posséder, c'est-à-dire de ce qui est notre. C'est une distinction importante chez Plotin, le « nous » et le « notre » qu'on trouve en particulier dans le traité 53. Dans ce texte, Plotin indique que nous ne sommes pas l'intellect lui-même, mais que nous pouvons le posséder et en faire usage. Celui-ci devient alors notre, même si, habituellement, nous ne nous confondons pas avec lui. On voit donc que pour Plotin, le moi oscille entre des états et des niveaux différents qui lui permettent de parcourir, comme pour Bergson plus tard, différents aspects de la structure du réel, c'est-à-dire ici, de la vie, depuis la vie sensitive jusqu'à la vie intellective et la vie de l'intellect lui-même. Et comme chez Bergson, se situer au niveau supérieur suppose un effort, alors que se situer au niveau inférieur est plus naturel et consiste en un simple relâchement de l'âme. Un secondo aspetto avvicina l'analisi di Plotino a quella, l'analisi di Bergson a quella di Plotino. Le détour, come lo traduce? La deviazione. Attraverso l'interiorità si accompagna in Bergson di una dilatazione dell'io che gli permette di ritrovare delle durate, delle modalità di vita diverse dalla propria. In Plotino l'anima è anche capace di ritrovare questi altri livelli psichici diversi dal suo tramite uno sforzo particolare di concentrazione e di unificazione interiore. E in tal modo Plotino distingue ciò che l'anima può essere, ciò che noi siamo, da ciò che può possedere, ciò che è nostro. Nel trattato 53, di cui abbiamo parlato, Plotino indica che noi non siamo l'intelletto con la maiuscola stesso, ma che noi possiamo possederlo, farne uso in qualche modo. Cioè l'intelletto diviene allora nostro, anche se di solito noi non ci confondiamo con esso. Si vede dunque che per Plotino l'io oscilla tra degli stati e dei livelli diversi che gli permettono di percorrere, come per Bergson più tardi, differenti aspetti della struttura del reale, cioè in questo caso della vita, dalla vita sensitiva fino alla vita intellettiva e la vita dell'intelletto stesso, e come in Bergson situarsi a un livello superiore significa produrre uno sforzo, mentre situarsi a un livello inferiore è più, tra virgolette, naturale e costituisce in un semplice allentamento dell'anima. Alors ces deux ressemblances s'accompagnent, comme je le disais, de différences qui sont tout à fait considérables, de deux différences. La première concerne le rapport du vivant à son principe. Chez Bergson, comme on sait, la vie se définit comme une durée, comme un mouvement pur. Cela signifie deux choses en réalité. D'une part que cette durée ne se présente pas comme une réalité stable et immobile, mais comme sans cesse en progrès. Mais d'autre part, et c'est plus subtil, qu'il n'existe pas de réalité elle-même stable, dont on pourrait dire qu'elle est en mouvement. La durée n'est pas une substance en mouvement. Elle n'est tout simplement pas une substance. C'est un point sur lequel Bergson insiste souvent. Par exemple, dans la conférence intitulée « La perception du changement », c'est le dernier texte que je vous ai indiqué dans l'exemplier, le texte numéro 9. Chez Plotin, au contraire, la vie première, qui est celle de l'intellect, est immobilité, puisque l'intellect est au-delà du temps, sa pensée ne consistant pas à passer d'un objet à un autre, donc à changer d'état, mais à posséder tous les intelligibles en un seul et même acte de pensée. L'effort de dilatation qui nous ramène à la vie première ne consiste donc pas à se replonger dans le mouvement, puisque le mouvement n'est que l'affaiblissement de cette vie, sa manifestation à des degrés inférieurs, mais bien à retrouver un principe stable et immobile qui transcende le mouvement. In Plotino, al contrario, la vita prima, che è quella dell'intelletto, è immobilità, dato che l'intelletto è al di là del tempo. Il suo pensiero non consiste a passare da un oggetto all'altro, dunque a cambiare stato, ma consiste nel possedere tutti gli intelligibili in un solo e stesso atto di pensiero. Lo sforzo di dilatazione che ci riconduce alla vita prima non consiste dunque nel fatto di rimmergersi nel movimento fisico. Il movimento non è che l'indebolimento di tale vita, la sua manifestazione a dei gradi inferiori, ma consiste a ritrovare un principio stabile e immobile che trascenda il movimento. Alors, je termine donc par la seconde différence, à mon avis considérable, entre les deux analyses. Nous avons vu que pour Bergson, un effort de dilatation conduisait le moi à retrouver en lui-même diverses formes de durée qui composent la nature même du réel. Un semblable effort conduit le moi plotinien à retrouver aussi en lui-même la hiérarchie du réel. Mais cet effort, pour Bergson, est présenté comme un élargissement de la perception habituelle, de sorte qu'elle devient plus riche et ne laisse pas de côté ce que la conscience naturelle retient du réel afin de pouvoir s'y insérer. Vous trouverez ça là aussi dans un passage de la perception du changement. Le rapport à la vie dans ce passage est pensé comme une relation désintéressée qui maintient par cela même la diversité et la richesse du réel. L'effort de dilatation consiste donc à déplacer, c'est le terme de Bergson, à déplacer notre attention habituelle pour retrouver la vie comme durée, comme mouvement, là où l'attention, en vue d'agir, ne retient que des positions immobiles et rétrécit alors notre perception. Dans cette même conférence, la perception du changement, Bergson indique que cette conception de l'effort du moi l'amène à s'opposer à la conception de Plotin. Je laisse traduire ça peut-être. C'è una seconda differenza tra le analisi di Plotino e di Bergson. Abbiamo visto che per Bergson uno sforzo di dilatazione conduceva l'io a ritrovarsi in se a ritrovare in se stesso diverse forme di durata che compongono la natura stessa del reale. Uno sforzo simile conduce l'io plotiniano a ritrovare anche in se stesso la gerarchia del reale. Ma questo sforzo per Bergson è presentato, vedere il testo 9, come un allargamento della percezione abituale in modo che essa diventi più ricca e non lasci più da parte ciò che la coscienza naturale conserva del reale per potervisi inserire. Il rapporto alla vita, con la maiuscola, è qui pensato come una relazione disinteressata che conserva per ciò stesso la diversità e la ricchezza del reale. Lo sforzo di dilatazione consiste così, cito, a déplacer, cioè spostare, la nostra attenzione abituale per ritrovare la vita come durata, come movimento, laddove l'attenzione in vista di agire non seleziona che delle posizioni immobili e quindi restringe la nostra percezione. Ma in questa stessa conferenza, la percezione del cambiamento, Bergson indica che questa concezione dello sforzo dell'io lo porta a opporsi a quella di Plotino. Selon Bergson, Plotin a bien mis en avant la nécessité de la conversion. Mais celle-ci n'est pas conçue comme un élargissement, comme une projection par sympathie, mais comme une remontée vers une réalité véritable, autre que celle que nous percevons par les sens. Le mouvement d'intériorisation ou de conversion ne conduit pas, chez Plotin, à un enrichissement de la perception, mais pour Bergson, à son rétrécissement, puisqu'il a pour objectif de détourner l'âme de son orientation vers le sensible. La vie à laquelle l'âme et le moi aspirent est, dans le cas de Plotin, une vie supérieure par nature à toutes les autres, alors que chez Bergson, elle n'est pas associée au dépassement de formes de vie inférieures et affaiblies. Alors je termine, je conclue. Un même mouvement d'intériorisation reconduit donc chez les deux auteurs le vivant à la vie comme principe, mais ce mouvement conduit pour l'un à un retour à la nature originelle du moi, pour l'autre à une expansion qui le fait épouser la diversité et la richesse de la durée. Allora, per Bergson, Plotino ha messo bene in evidenza la necessità della conversione, ma questa non è concepita come, tra virgolette, un allargamento, come una proiezione per simpatia, ma come una risalita verso una realtà autentica che è diversa da quella che noi percepiamo tramite i sensi. Il movimento di interiorizzazione, ovvero di conversione, non conduce in Plotino, secondo Bergson, a un arricchimento della percezione, ma a un suo restringimento, dato che ha per oggetti e per fine di distogliere l'anima dal suo orientamento verso il sensibile. La vita alla quale l'anima e l'io aspirano è una vita superiore per natura a tutte le altre, mentre in Bergson essa non è associata al superamento di forme di vita inferiori o più deboli. Uno stesso movimento di interiorizzazione riconduce nei due autori il vivente alla vita, ma questo movimento conduce per l'uno a un ritorno alla natura originaria dell'io, cioè il Plotino, mentre per l'altro, per Bergson, a un'espansione che gli fa sposare, accogliere la diversità e la ricchezza della durata. Grazie. Grazie.